Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On s'en va à Calgary. On a parlé avec Marc-Éric Bouchard hier pour parler un peu d'Alexandre Gagnon. On a eu des belles nouvelles cette semaine. Alexandre qui a parlé, pas Alexandre, mais Marc-Éric qui a parlé à Dave Dickinson et semble-t-il qu'il est très content du camp d'entraînement d'Alexandre. On va parler au principal intéressé. Salut Alex. Salut Dan. Alexandre, j'ai parlé avec Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Calgary, qui est pas mal mon collaborateur sur place là-bas. Puis il a parlé à Dave Dickinson. Est-ce que tu savais que Dave Dickinson est très content de ton camp d'entraînement? Non, j'ai pas eu de conversation avec lui, mais je pense que quand tu n'as pas de mauvaises nouvelles, ça veut dire que ça va bien dans ton cas. Donc je savais que les coachs étaient quand même satisfaits de ce que je faisais jusqu'à maintenant. OK. Mais le fait, Marc-Éric me contait que l'ailier défensif canadien est blessé de 4 à 6 semaines. Et ça t'ouvre les portes. C'est sûr que ça m'aide parce que lui il pourra pas montrer ce qu'il peut faire demain tandis que moi je vais avoir la chance. Okay. Mais faut dire que lui était sur l'équipe de pratique l'an dernier, il a eu la chance de jouer 6 matchs. Donc les coachs savent ce qu'il peut faire, donc leur décision va quand même prendre ça en considération. OK. Contre BC, apparemment que t'as pas beaucoup joué. Non, j'ai beaucoup joué. Ah, t'as beaucoup joué, OK, c'est beau. OK. J'ai vraiment joué plus que l'an dernier. OK, puis ça a-tu bien été dans ce match-là? Ouais, vraiment bien. C'est sûr qu'on aurait aimé ça sortir avec une victoire, mais ça reste un match pré-saison. OK. Puis j'imagine, là, t'es en situation de match. Tu me l'as dit la semaine passée, ça paraît beaucoup. Mais là, t'es en situation de match. C'est pas tout à fait comme un camp d'entraînement, encore une fois, mais le 25 livres de trop, semble-t-il que Dave Dickinson a dit à Marc-Éric que c'était le jour puis la nuit. Ouais, c'est comme je t'avais déjà parlé plus tôt lors du camp, là, surtout versus le jeu au sol, là, je suis vraiment, vraiment plus solide. OK. Demain, est-ce qu'on a parlé de ton utilisation? Je devrais avoir sensiblement le même temps de terrain que j'ai eu contre BC la semaine dernière. C'est sûr que là, nos partants vont jouer le début de match, donc ça va couper un peu. Mais pour la deuxième demi, donc troisième, quatrième quart, je devrais être en rotation des liens défensifs. OK. Dis-moi, Alexandre, du côté de tes liens avec les coéquipiers, j'imagine que les liens, il y a de plus en plus de liens, j'imagine, aussi, qui se créent. Ben les joueurs de ligne défensive sont pas mal tous les mêmes que l'an dernier, à part deux, trois gars. Okay. Mais ça reste que ici c'est vraiment une belle équipe là. Tout le monde est le fun. On s'amuse ensemble, on est toujours ensemble. Je suis vraiment bien ici. OK. Alexandre, est-ce que du côté maintenant, les coupures, on va le savoir samedi, les dernières coupures, tu commences à être nerveux de ce côté-là? Ouais. C'est sûr là. Quand même quelque chose qu'on vit pas souvent dans sa vie, un camp d'entraînement comme ça, comme on avait déjà parlé l'an dernier, je savais que je pouvais retourner à l'université, tandis que là, c'est vraiment tout ou rien, donc c'est sûr que ça me stresse un peu, mais je vais quand même tout donner demain, puis si jamais ça arrive que je suis coupé, je pense que j'ai assez fait de bons jeux dans mes matchs pré-saison pour qu'une autre équipe m'appelle. Toujours intéressé par une équipe, l'équipe d'entraînement au pire aller, ce serait peut-être un passage obligé, l'équipe d'entraînement, dans le pire des cas, là. Oh, c'est vraiment pas un scénario négatif pour moi. Je suis conscient que j'ai beaucoup de choses à travailler encore pour être un bon joueur dans cette ligue-là. Donc, l'équipe de pratique, c'est la meilleure place pour apprendre et devenir meilleur. OK. Alexandre, en terminant, je voudrais savoir demain à Saskatchewan, ça va être une belle expérience. Les Riders Nation, c'est un match sur concours pareil, là, mais à Saskatchewan, la foule est hostile généralement. Ça va être une belle expérience pour toi? Ouais, je pense que le Mosaic Stadium, c'est probablement le plus beau stade au Canada. Puis comme tu disais, la foule est hostile. Puis la rivalité Saskatchewan-Calgary est vraiment intense là, on le sent, les coachs puis les joueurs, ils détestent vraiment cette équipe-là. Il y a vraiment une grosse animosité. Donc, je pense que ça va être un match très physique et intense demain. OK. Alexandre, on va se parler lundi parce qu'on va savoir samedi si tu fais l'équipe. Donc, j'aimerais ça avoir tes commentaires lundi sur les ondes de DanRadioSport.com. C'est parfait. De Radio-Canada, pas de Radio-Canada, mais Alexandre Gagnon plutôt, de Alexandre Gagnon de Dolbeau-Mistassini qui va savoir samedi s'il fait les Flames. De...